Selon la radio sud-coréenne MBC, les habitants de l'arrondissement de Kroson de la province du Gangwon de Corée du Sud ont tenu le 11 courant devant le siège du gouvernement à Séoul un meeting pour critiquer le gouvernement tournant toujours le dos à la reprise du tourisme au massif Kumgang et exiger l'indemnisation des dommages dus à l'interruption du tourisme en question et sa reprise.